Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit, par rapport à qui, à quoi. Je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Non, je sais pas, si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que, bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question. Mais, du coup... Moi, je pense que... Donc, Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Je me dis que... Moi, je pense bêtement... Alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend. Enfin, moi, je trouve personnellement, moi, je suis... Je crois quand même qu'il y a... Mais... Donc on est à Harfleur. Vous êtes de la région? Oui, moi je suis du Havre, enfin, donc la ville qui est à côté. Voilà. Donc voilà, on est un espèce de rassemblement de gens, non plutôt de l'habitat, c'est comme ça que ça a été présenté, de l'habitation mobile et nomade. Et dans ce cadre-là, il y a un monsieur. Alors mobile ou nomade ou légère. Donc maintenant, on prend le concept d'habitat démontable. Voilà. Donc ce qui permet de faire le lien technique, mais aussi de pratique entre la yourte, qui n'est pas forcément mobile, et puis des gens qui sont en camion, quoi. Qui est potentiellement mobile, mais qui ne l'est pas forcément, quoi. Oui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais là, ça devient compliqué pour ma tête, parce qu'une yourte est quand même mobile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une maison en dur. Alors entre le camion... Enfin, oui, enfin, soit. Mais... Ici, c'est la rencontre d'un monsieur qui s'appelle... Ça doit être moi. Donc, je m'appelle Arnaud Lemarchand. Voilà. Et puis, je suis enseignant en économie à l'Université du Havre. Voilà. Et vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Enclave nomade ». Alors, c'est déjà, ça a déjà quelques années. Hein, c'était en 2011. J'ai publié un livre aux éditions du Croquant qui s'appelle « Enclave nomade, habitat et travail mobile », qui essayait de faire le lien entre le redéploiement de formes d'habitat mobile dans les pays industrialisés, en Europe notamment, en lien avec des mutations du travail, au départ. L'entrée, c'était ça. Voilà. Donc c'était... Au départ, c'était au carrefour de recherches sur le travail dans des systèmes portuaires, puisque le Havre, c'est un port, et puis aussi d'un engagement militant auprès des précaires, dans un groupe qui s'appelle AC, enfin, qui est un réseau important en France là-dessus. Comment vous avez dit AC ? Ça s'appelle AC, ça s'appelait... À l'origine, AC voulait dire « agir contre le chômage ». Mais en fait, c'est un réseau de soutien aux droits des chômeurs et des travailleurs précaires. Donc, pas simplement des chômeurs. Qui seraient... Voilà. Donc, c'était un peu, au départ, c'était le carrefour de mes deux activités. Et ce qui m'avait frappé, c'était que par rapport à une représentation classique du chômeur, dans les médias ou même dans la littérature académique, où il y avait une vision du chômeur coincé dans un HLM et qui ne bougeait pas, et d'ailleurs avait des problèmes de travail parce qu'il ne bougeait pas. Ce qui m'avait au contraire... Ce que vous précisez, avait des problèmes de travail, ça veut dire qu'il ne trouvait pas du travail, c'est ça ? Parce qu'il ne bougeait pas. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'était il y avait la notion de trappe à chômage et qui était aussi une notion spatiale, on disait la déconnexion spatiale. L'idée qu'il y avait des gens qui pouvaient être enclavés dans des endroits loin des zones d'emploi, coincés. Alors ça existe, hein, la figure de, je sais pas, la mère seule avec des enfants dans une résidence HLM assez loin des zones d'emploi. Donc ça, c'était une figure qui était très mobilisée et dans les discours. Or, ce qui m'avait frappé dans la pratique autour d'AC ou dans ce que je pouvais rencontrer, c'était de voir beaucoup de travailleurs précaires qui, en fait, bougeaient beaucoup, en vérité. C'était tout le contraire. Soit bougeaient beaucoup simplement à l'échelle de la ville, pourrait dire, il passait d'un emploi dans la grande distribution à un emploi dans l'industrie, à un emploi dans les services. Et en fait, on disait, très souvent, il y a un discours contre les chômeurs en disant ils sont pas très mobiles ou pas très flexibles. Ou, alors, moi, je trouve qu'en fait, ils l'étaient beaucoup. Et puis, y compris, à un moment donné, on a rencontré des gens qui, en fait, pour trouver du travail, se déplaçaient de manière intermittente, certes, mais à une échelle assez grande, et finalement avaient vite des problèmes d'habitat. Voilà, donc l'entrée, ça a été ça. Et donc, à travers des jeunes, on a commencé à rencontrer des jeunes qui vivaient en camion, qui, alors... Vous avez commencé à rencontrer des gens en camion. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous avez dit vous. Ah, peut-être, ouais. Vous êtes plusieurs ? Oui, parce que c'était aussi à travers un collectif. Hein, je faisais pas ça tout seul. Et donc, c'était intéressant parce que, par exemple, il y avait une image que moi, j'avais un peu, au départ, comme beaucoup de gens, des travelers, par exemple, comme allant de festival en festival. Mais finalement, moi, ceux que j'ai rencontrés, ils se déplaçaient en camion aussi parce qu'ils allaient d'un emploi à l'autre, de saisonnier à un autre emploi de saisonnier. Et que parfois aussi, le camion, quand ils n'avaient pas d'emploi, c'était leur seul endroit où ils pouvaient habiter. Il y a eu ça, il y a eu un moment donné, je me suis retrouvé, il y avait des travaux dans le port. En fait, on démolissait de vieux entrepôts. Et puis, il y avait un campement d'ouvriers qui s'était installé avec des caravanes. Et donc qui était sur un chantier, et puis juste à côté d'eux, séparés par un grillage qui était vraiment purement symbolique, vraiment, il y avait des manouches qui s'étaient installées et qui récupéraient des métaux aussi sur les mêmes chantiers de démolition. Donc de cette façon-là, on a commencé à avoir l'intuition qu'il y avait une espèce de monde du travail nomade et de l'habitat mobile qui renaissait. Ce qu'on pouvait voir aussi dans certaines statistiques. Donc il y a un statisticien qui s'était rendu compte que, eh bien en fait, dans les années 80, il n'y avait que 10% des ouvriers, par exemple, qui déclaraient ne pas avoir de lieu fixe de travail. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de contrat à durée indéterminée. Hein. Et dans les années 90, c'est monté à 25% des ouvriers qui n'ont plus de lieu fixe de travail. Alors que le discours qui était dominant là-dessus, c'était un discours sur la mobilité géographique des cadres, par exemple. Hein, il y a la figure du super cadre qui est entre avion et train à grande vitesse et qui se déplace. Dynamique. Et en fait, c'est pas certain que ce soit tellement eux qui bougent tant que ça. Quand on regarde, c'est pareil pour les statistiques d'hôtellerie. Hein, si on regarde le fameux tourisme d'affaires, qui est souvent mis en avant par les villes, ben on s'aperçoit que dans les nuitées d'hôtel qui sont calculées par les services du tourisme, les nuitées d'hôtel qui ne sont pas liées aux vacances, où les gens déclarent être là en déplacement professionnel, eh bien la grande majorité de ces nuitées d'hôtel, c'est pas le tourisme d'affaires chic, en fait, c'est l'hôtellerie low cost. La réalité du tourisme d'affaires, c'est les zéro étoile, un étoile, etc. Et c'est des salariés en déplacement. Voilà. Donc, et pour pas me perdre, on va dire, je vais parler à mon nom, mais j'essaye de bien comprendre le raisonnement. Hein. Mais là, on est occupé à parler des gens plus mobiles que d'autres. Pourquoi, en fait ? Pour montrer quoi, en fait ? Il ne s'agissait pas de montrer quelque chose. Il s'agissait de comprendre qu'il y avait de nouvelles pratiques liées au travail qui montaient, qui n'étaient pas forcément perçues par les collectivités. Et ça expliquait certains conflits. Notamment, c'était un moment où Havre ou ailleurs où il y avait des conflits autour de fermetures de camping. Alors, par exemple, ici, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un camping qui avait été prévu au départ pour des touristes, des vacanciers, qui d'ailleurs a été fréquenté, puisque c'est une radio belge, par beaucoup de touristes belges qui, en fait, venaient au Havre ou ici pour pêcher l'anguille. Je sens que tous les étés, arrivaient des Belges qui venaient pêcher l'anguille dans la région. Mais en fait, ce camping, à 75%, il était fréquenté par les salariés en déplacement, qui travaillaient en fait dans la maintenance industrielle, dans les raffineries. ou sur voire même sur d'autres activités portuaires. Quand la municipalité s'est rendue compte de ça, elle a un peu paniqué et elle a fermé le camping. C'est un phénomène qui s'est passé dans d'autres endroits, c'est-à-dire que... Mais elle a un peu paniqué, pourquoi en fait? Parce que peut-être pour vous ça semble évident, mais elle a paniqué pourquoi? Paniqué parce que tout d'un coup elle avait été face à un équipement collectif dont l'usage n'était pas, l'usage réel n'était pas celui auquel elle avait pensé. C'est-à-dire L'usage de, pour des vacanciers. Voilà. Et qu'en fait, ce n'était pas des vacanciers, c'était des gens qui venaient pour travailler. Et donc, ils ont fermé le camping, quoi. Et ça s'est passé dans d'autres endroits où il y a eu des conflits sur des fermetures de camping pour d'autres raisons, pas forcément à cause de ça, mais on découvrait au moment de la fermeture du camping que ça posait des tas de problèmes. Donc, soit il y avait des résidents permanents, soit donc des retraités, alors, dans la région notamment des retraités par exemple, soit effectivement des salariés en déplacement. Donc l'idée c'était ça. Et en cherchant à comprendre les dispositifs juridiques qui expliquaient les conflits ou les difficultés qu'avaient ces personnes qui étaient en habitat mobile, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un dans le droit, il y avait effectivement tout un corps de textes. Qui en fait datait entre la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui étaient des textes qui avaient été pris contre les forains et contre les nomades, et contre aussi, on pourrait dire, les derniers ouvriers nomades du 19e siècle. Et que ça restait dans le corps des textes. Voilà. Alors, ce que je décris là, en fait, je sais qu'en Belgique, par exemple, il y a des associations à la même période qui se sont rendues compte aussi du phénomène. Il y a eu des discussions sur la progression de l'habitat en camping en Belgique. J'ai vu passer des choses là-dessus. Donc je sais que le phénomène est un phénomène en fait européen. On pourrait dire que ça a peut-être commencé effectivement en Angleterre, parce que le phénomène Travelers a commencé en Angleterre. Et il est très lié, ceux qui l'ont étudié en Angleterre tôt, à la fin de l'État-providence. Qui a poussé une partie de la jeunesse sur les routes, à la fois pour travailler et aussi pour aller de festival en festival, mais aussi pour habiter, parce qu'il était de plus en plus difficile de squatter, par exemple, au sein des villes anglaises. Donc voilà, donc je suis rentré là-dedans en me disant, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'essayais aussi de comprendre quelles étaient les logiques industrielles, par exemple, ou les logiques de service qui expliquaient ce développement. Alors derrière, en fait, c'est la sous-traitance. C'est le développement de la sous-traitance. Bon, par exemple, ici, dans les raffineries, je parle dans les années 70 encore, une grande partie de la maintenance était effectuée par des personnels qui étaient employés directement par les raffineries. Mais ensuite, cette activité a été sous-traitée. Et donc, les gens vont de chantier en chantier et ça développe une mobilité. Bon, de la même façon, on peut se rendre compte qu'il y a des biens maintenant qui sont produits de façon modulaire, c'est-à-dire en fait le bien n'est pas produit dans une seule usine, mais sur plusieurs établissements. Et ça implique parfois qu'il y ait des personnels qui se déplacent pour effectuer des réglages. Ou quand il y a des problèmes dans certaines grandes industries, eh bien on peut déplacer des personnels d'un établissement à l'autre plutôt que de les mettre au chômage. Donc en fait, il y a une logique industrielle qui se trouve derrière ça. Mais on la trouve aussi dans les services. Moi, j'ai rencontré des comptables qui étaient nomades. C'est-à-dire, en l'occurrence, l'un, c'était un ancien étudiant à moi qui était devenu comptable et dans une boîte de comptabilité et qui, en fait, se déplaçait tous les deux ou trois jours. Et parfois, dormait dans la voiture, etc. Ça arrive dans des professions qui n'en avaient pas l'habitude. Ça existe aussi dans l'informatique. Il y a des gens qui se déplacent pour des missions, etc., etc., et qui ont donc besoin d'habitats de ce type. Voilà. Et de là, on a rencontré Alem. Enfin, j'ai rencontré Alem. Qui est, parce qu'on ne connaît pas. L'association des habitants en logement éphémère et mobile, qui s'occupait de ça aussi, même si elle était plutôt axée sur les gens qui vivaient dans les campings autour de Paris au départ. Et puis ensuite, très vite, sur les pratiques alternatives de gens qui habitent en yourte, en cabane, etc., dans le sud de la France. Mais l'intérêt pour eux et pour moi de travailler ensemble, c'était justement de nuancer une vision de ces habitats comme des gens qui seraient des marginaux, complètement déconnectés. En fait, quand on interroge les gens, c'est pas ça, en fait, hein. C'est des gens qui sont arrivés à ce type d'habitat après, par exemple, des ruptures, ou aussi petit à petit, à cause de pratiques professionnelles, même si ce n'est pas forcément mis en avant, qui leur ont fait prendre l'habitude de ce mode de logement qu'ils ont pu ensuite défendre, voilà, comme un choix. Mais vous ne pensez pas que c'est le nomadisme, c'est plus, on va dire, je veux dire, on est mouvement, tout est mouvement. On regarde ça un peu comme s'ils étaient, on fait une étude dessus, alors que, en tout cas, une réflexion, on amène une réflexion, alors que quelque part, c'est peut-être plus naturel que ça d'être mobile, si je comprends bien la logique. Hein. Oui, c'est permanent, mais selon les périodes, ça a été plus ou moins important. C'est sûr que au 19e siècle, beaucoup d'ouvriers étaient des nomades. C'était même des catégories administratives. Hein. On appelait ça les populations flottantes, etc. Mais même en remontant encore plus loin, je veux dire, à l'origine de l'origine, on est nomade. Ouais. Si on reste sur place, on meurt, quoi. Enfin, vous voyez, il y a même en fonction des saisons, on bouge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, on va dire de la fin du 19e au début du 20e siècle, il y a plutôt eu en Europe, parce que là on est en Europe et pas aux États-Unis, il y a eu un grand effort de stabilisation de la population, y compris de stabilisation de la main-d'œuvre. À partir de la fin du 19e, il y a beaucoup d'employeurs qui ne veulent plus d'ouvriers nomades, qui veulent au contraire par exemple, les populations ouvrières se stabilisent. Pour des raisons d'organisation industrielle, pour des raisons politiques aussi, ça a été raconté hier. Il y a un moment donné aussi, on a voulu que les ouvriers habitent dans des pavillons, vivent bourgeoisement, comme on dit à l'époque, y compris de façon à ce que ça garantisse une plus grande stabilité politique. Ça aussi, je pense, rencontrer des aspirations au confort, des gens, etc., qui avaient envie de vivre de manière plus facile matériellement. Et donc, je pense que une grande partie du XXe siècle, les gens se sont stabilisés. Alors, en dehors des deux guerres mondiales, puisque effectivement, c'est une stabilisation relative, parce qu'il y a eu quand même des grands mouvements de population liés au conflit. Mais en dehors de ces périodes de conflit, dans lequel là l'État devait bien s'adapter au fait que les gens étaient bien obligés de bouger. Après, on voulait que les gens se stabilisent. D'ailleurs, on est au Havre, à côté du Havre aussi, il y a Sainte-Adresse, qui a été la capitale de la Belgique durant la Première Guerre mondiale. Donc, comment vous avez dit ? Sainte-Adresse, c'est juste à côté, c'était la capitale de la Belgique durant la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu des mouvements de population, mais durant les conflits. Entre les conflits, on voulait que les gens, au contraire, se posent. J'imagine que c'est aussi pour mieux contrôler aussi, ça arrange mieux des gens qui sont fixes, avec des, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que des gens qui sont mobiles, on ne sait pas trop où ils se trouvent, quoi, comment, donc c'est aussi une volonté de contrôle social, quoi. Oui, et puis je pense que c'est aussi, c'est peut-être un biais que j'ai d'insister là-dessus, mais c'était aussi un mode d'organisation du travail, c'est la grande période... le premier 20e siècle et puis les 30 glorieuses, c'est l'usine fordiste, on a un poste fixé, on rassemble le maximum de gens dans les usines. Et puis cette période-là est close. Et ce qui est assez intéressant dans notre société, c'est qu'il y a une espèce de contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un discours officiel, libéral ou néolibéral, qui dit aux gens « bougez-vous, soyez flexibles, etc. » Mais s'ils le font, alors là, ils ont très vite des tas d'embêtements administratifs, surtout quand ils sont pauvres ou pas très riches, sans être forcément pauvres. Parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie de notre société. C'est-à-dire que, pour en revenir à ce que je disais au début, le cadre hyper mobile, c'est bien. Le jeune traveler en camion qui est tout aussi mobile et qui se déplace lui aussi, c'est suspect. Sans parler des migrants ou qui sont encore plus suspects. Donc il y a une espèce de contradiction dans les discours de la société, dans les pratiques. Et c'était un peu ça qu'on cherchait à questionner. Et c'est quoi les réponses de tout ça, alors? Vous questionnez la chose, c'est quoi que vous avez découvert en vous posant ces questions? Ben, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une tension, et c'est vrai qu'il y a une tension entre une vision sécuritaire, ou parfois hygiéniste, tout simplement, de l'organisation de la ville et de l'habitat, qui dit bah, il faut effectivement se méfier des gens qui circulent parce que les gens qui circulent sont potentiellement dangereux, ou pourraient l'être même s'ils ne s'en rendent pas compte. Il y a aussi la vision très forte hein, que ces modes d'habitat, par exemple, oui, je me suis enrhumé avec la pluie, eh bien, ne sont pas bons pour la santé. Hein. C'était une vision du 19e siècle aussi, l'hygiénisme. Hein, c'est-à-dire que les gens ont des problèmes parce qu'ils sont malades. Ils sont malades parce qu'ils ne vivent pas dans des conditions saines, donc il faut les soigner, il faut aussi les stabiliser pour pouvoir les soigner, pour que les conditions d'hygiène augmentent. Et ça reste encore ancré dans une espèce de mémoire administrative ou une mémoire des choses. Et de l'autre côté, effectivement, il y a d'un côté on dit ça, et de l'autre, eh bien, on retire les unes après les autres toute une série de protections qui avaient été construites par l'État-providence. Hein, qui est des. Donc, quelle protection vous parlez là? Des protections de l'emploi, des protections de. La part de logement social diminue, etc., etc. Et c'est assez curieux donc, d'un côté de voir des gens qui vont éventuellement stigmatiser des populations précaires, qui se débrouillent, qui réinventent leur mode d'habitat, alors même que, en fait, on a réduit le logement social, qu'on a flexibilisé l'emploi, que c'était une conséquence presque inévitable. Peut-être qu'elle n'a pas été anticipée. Mais évidemment, si tout le monde devient, si la proportion de travailleurs précaires augmente, s'il y a moins de logement social, eh ben, y a des gens qui vont habiter, qui vont reprendre des modes de vie nomades. Ça, c'est je pense que c'est inévitable. C'est marrant parce que moi, je suis arrivée donc dans ici à ce petit événement depuis hier. Bah, il est aussi ouvert depuis hier en même temps. Et donc, il y a beaucoup de discussions sur le être nomade, mouvant comme ça. Et j'arrive pas toujours bien à comprendre parce que pour moi, on va dire que c'est assez simple. C'est que d'une part, il y a la défense des gens qui ont envie d'habiter autrement, d'accord ? Riche ou pas riche, quoi. Hein, je veux dire, évidemment, pour le riche, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de problème. Mais aussi, avec des faibles revenus, il y a moyen d'inventer. C'est peut-être plus difficile hein, mais, d'être propre sur soi, d'aller travailler. Mais vous n'avez pas envie forcément d'habiter dans une maison. Vous voyez ? Ça, c'est d'un côté. Et puis, de l'autre, évidemment, tu as les gens qui n'ont pas choisi de vivre de cette manière-là. Donc, qui se trouvent un peu dans des états pas chouettes, précaires. Vous voyez, Et j'ai l'impression que souvent, quand on discute de la mobilité, du nomadisme, on pourrait même remonter à la base, je pense qu'on est tous nomades. Il y a les gens du voyage, là, qui sont encore là, aujourd'hui, de nos jours, avec leur histoire, là. D'ailleurs, on en parle encore dans les médias, hein, quand ils débarquent avec leur bande sur un site, on les déguerpille assez vite. Ça dérange, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, d'un côté, on parle d'une manière de voir le monde, et moi, je trouve qu'elle est vachement intéressante, de ne pas vouloir forcément vivre dans une maison. Et puis, de l'autre, il n'y a pas le choix. Ça... Oui. Je pense que... Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est comme si c'était deux choses différentes, quoi. Il y a la défense, et alors là, c'est vraiment un lourd travail, hein. Ça demande du temps, ça demande... Et c'est comme si, pour moi, chaque fois que je discutais, on confondait les deux, et du coup, je m'y perds, quoi, parce que t'as d'un côté, évidemment, les pouvoirs publics qui réduit tout là, hein, les maisons sociales... les revenus, le travail précaire et compagnie, donc qui fait qu'à un moment donné, ben, les gens se retrouvent à devoir vivre dans une boîte en carton, alors qu'ils ne l'ont pas choisi, et d'autres qui ont choisi de vivre dans une boîte en carton. Alors, je pense qu'en fait, c'est, ces deux pôles existent, et puis il y a un moment où ils se recoupent, hein, c'est-à-dire qu'il y a une intersection entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui au départ ont été contraints, hein, d'adopter ce mode de vie et qui vont s'y trouver. Quel mode de vie? Parce que là, je vois pas lequel. Un mode de vie nomade, par exemple, hein, pour des raisons foncières, pour des raisons d'emploi, pour toutes sortes de raisons, et qui, petit à petit, vont finalement s'apercevoir que c'est peut-être mieux pour eux que de se retrouver coincé tel qu'ils pouvaient l'être avant. Et du coup, qui vont le défendre. C'est-à-dire qu'en fait, y a des gens contraints et des gens qui l'ont choisi. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui, finalement, l'ont d'abord été contraints, puis finalement, le revendiquent comme un choix, dans un deuxième temps. D'accord ? Ouais, ça se passe d'office dans ce sens-là, pas dans la... Non, ça se passe aussi dans l'autre sens aussi. Bon, moi, j'ai interrogé des ouvriers en déplacement sans décampement. Les deux discours, que tu les entends. Hein, y a des gens qui te disent que non, c'est pas marrant d'être en déplacement continuellement, de pas voir sa famille, de pas pouvoir se poser. Il y a des gens pour qui c'est même une souffrance. Hein, et puis, il y a des gens qui disent moi, ça me plaît. Y compris d'ailleurs des gens jeunes qui disent c'est un moyen de se former, hein, alors on retombe sur le compagnonnage de très vieilles pratiques, hein, rouler est une façon de se former. D'autres qui disent moi ça me déplaît pas de vivre en camping-car. J'ai rencontré les deux discours, hein, avec des degrés d'affirmation différents. Je me souviens d'avoir une fois rencontré une femme qui était ingénieure dans le génie électrique, qui vivait en camping-car, qui avait la cinquantaine, et qui, elle, disait « Pour moi, c'est un choix, c'est quelque chose, que c'est un mode de vie que j'apprécie, et je ne souhaite pas me retrouver à travailler toujours au même endroit, dans un bureau, à vivre enfermé, c'est quelque chose... » Des gens qui disent j'ai dû le faire et puis finalement ça me plaît bien, c'est une solution, en tout cas c'est mieux pour moi que de me retrouver coincé dans un endroit sans pouvoir en vivant dans les conditions qui sont pas faciles. Voilà, donc il y a les deux discours, hein. Je pense que même parmi les gens qui habitent en yourte et en cabane, qui peuvent avoir un discours très revendicatif, hein, si on discute parfois avec eux de leur parcours de vie, en fait souvent, on arrive quand même à l'idée qu'au départ, c'est pas tout à fait un choix. Hein. Il y a eu une rupture ou des ruptures. Bon, par contre, ils ont trouvé, hein, ils se sont adaptés à leur situation. Et finalement, ils revendiquent la façon dont ils se sont arrangés pour vivre. Et ensuite, ils ne veulent pas revenir en arrière. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que la manière d'habiter... ça pose aussi la question de notre système, quoi, d'office, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on vous pousse, si vous avez un parcours un peu classique, vous venez de papa, maman, vous faites des études, et puis après les études, vous devez vous-même avoir une maison. Enfin, en gros, il y a quand même une majorité de gens qui font toujours la même chose, quoi. Puis il y a des enfants, et puis on est sédentaire, et puis on a un travail, on n'aime pas forcément notre travail, et puis il faut faire... Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que ceux qui inventent, alors on les appelle aussi les bobos, c'est ce que j'ai entendu ici. Je connais, hein. Mais c'est rigolo comment on associe le fait de vouloir vivre en yourte ou de construire des cabanes ou de... Enfin, ceux qui ont plus... Moi, ma philosophie, c'est ça, en fait. Oui, OK, il y a des gens qui ont plus facile que d'autres. Mais quelque part, c'est aussi intéressant de vouloir vivre, de penser, de vouloir vivre autrement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit les riches ou les moins riches, quoi. Là, il pourrait y avoir des ponts, en fait. Vous comprenez ma logique? Ici, il y a beaucoup de gens qui ont des très petits revenus, hein. Alem, ici, dans le réseau d'Alem, moi, je suis plutôt atypique, puisque je suis un fonctionnaire, par ailleurs. Mais la plupart des gens, ce n'est pas des bobos, hein. Au sens, ce n'est pas des bourgeois bohèmes, hein. Ce sont des gens qui sont... qui vivent essentiellement comme artisans, hein, ou petits commerçants, ou ouvriers, etc. Là, c'est pas ma, Oui, mais ce que j'ai entendu ici, un peu comme ça, c'est comme si... Enfin, voilà, de toute façon, c'est un discours classique. Hein, je veux dire, il y a d'un côté les riches et d'un côté les pauvres. Et les riches, c'est des... Je suis loin d'une riche, hein, mais c'est ma pensée. Les riches, c'est tous des cons, et les pauvres, c'est tous des gentils. Et vous voyez ce que je veux dire? Alors que quelque part, moi, je suis vraiment occupée à réfléchir, à repenser ce monde, quoi. Parler de mobilité, de nomadisme, et que peut-être ces gens... On en entend de plus en plus parler aussi, ces bobos là, avec leur yourte, qui ont plus d'argent pour pouvoir le faire. Ça peut rejoindre aussi une sphère de la population qui... Vous voyez, ils peuvent se rejoindre à un endroit, quoi. Oui, oui, non, je suis absolument d'accord. Il y a des points de jonction, et puis en plus, il y a des gens qu'on dit bobos, et parfois, c'est un peu rapide de les placer là-dedans. Alors après, une partie du conflit, il est que il y a parfois l'habitude, ou plutôt le sentiment, qui est à mon avis assez justifié, que les pouvoirs publics n'ont pas la même attitude par rapport à l'habitat, à ce type d'habitat, moins en fait selon des critères réellement techniques, c'est bien, c'est pas bien, c'est digne, c'est pas digne, c'est sûr ou c'est pas sûr, que par rapport à qui y habite. C'est-à-dire que, en gros, effectivement, ce qui est visé parfois dans la critique des bobos, c'est de dire, si vous êtes une classe moyenne et que vous construisez une yourte ou un habitat alternatif et que vous êtes quelqu'un qui est considéré comme respectable par ailleurs, bah, vous n'avez pas de problème. Par contre, si c'est des manouches qui le font, Moi, je suis pas si sûr de ce que vous dites, quoi. En France, on l'a souvent vu au dépôt. Alors là, du coup, il y a une crainte de la prolifération et l'attitude des pouvoirs publics est plus suspicieuse. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui avaient envie de vivre alternativement en yourte, cabane ou roulotte, et que c'est bien compliqué. Hein, c'est bien compliqué. Même en France, je connais des gens qui veulent créer un peu leur monde là, et c'est pas si évident. C'est pas si évident que ça, quoi. Ok. Oui. Non, mais je suis d'accord. C'est pas simplement les manouches qui sont visées, quoi. C'est vraiment des dérangeants dans une autre proposition de manière de vivre, quoi. Oui. On l'a vu sur d'autres aspects. Il y a tout ce qui a été étudié autour de l'habitat participatif, hein, par exemple, hein, qui a suscité des conflits. Bon, non, vous avez raison. Quand on s'écarte des normes habituelles du logement, on a des difficultés. Bon, on l'a vu avec Génémy qui a travaillé sur les Baba Yaga. Hein, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont voulu constituer une espèce de maison de retraite autogérée et deux femmes. Il n'y avait que des femmes. Eh ben, elles ont eu beaucoup de difficultés, hein, parce qu'on les accusait de communautarisme, etc. Et c'est etc. Quoi, en fait c'était à Montreuil, et puis ça s'est développé aussi dans d'autres endroits. Donc oui, je suis d'accord avec vous que c'est pas la distinction sociale n'est pas si évidente que ça. Hein, néanmoins, elle existe aussi. Faut pas non plus la nier. Hein, en fonction de qui vous êtes, votre mode d'habitat est aussi plus ou moins toléré. Hein, ça joue quand même, hein, faut pas non plus... Donnez-moi un exemple concret, alors que je puisse comprendre bien ce que vous dites. Un exemple concret, c'est effectivement... Je parle pas du gars qui vit dans son château, qui a son domaine et qui a envie de se faire... Vous voyez ce que je veux dire? Je parle vraiment de gens qui se mettent en collectif pour créer un espace où ils ont envie de vivre... en tipi, en yourte, en cabane, voilà. Alors, pour trouver des... Bien, par exemple, les gens qui sont à la mine, hein, donc, que vous avez dû croiser, là, qu'on le cite, qui s'appelle la mine dans les Cévennes, ils sont en conflit juridique continuel, hein, avec les autorités. J'ai dû croiser, non, j'ai pas dû croiser. C'est un des groupes qui est ici... Qui représente un lieu dans les Cévennes qui s'appelle La Mine. Et ils sont en conflit, en bataille juridique permanente. Je suis désolé, mais il y a des sites de gens qui vont construire des yourtes qui auront beaucoup moins de problèmes parce qu'ils accueillent une population plus normale. Quoi. Parce que là, c'est les travelers. Alors, les travelers, on est moins facile avec eux, quoi. Moins accommodant. Quoi. Voilà. Oui, je ne suis pas sûre de bien comprendre l'exemple, c'est pas grave. Hein. Non, l'exemple. Oui, peut-être que je m'exprime mal sur cet exemple. Mais, ça reste pour moi flou, ce que je ne comprends pas bien en fait. Bah, c'est-à-dire qu'à l'inverse, c'est aussi votre exemple à vous que je ne comprends pas très bien. Parce que les gens des classes moyennes qui veulent vivre en tipi et en yourte à l'année continuellement, je ne vois pas très bien qui ça représente. Parce que des gens des classes moyennes. Ouais, ça pourrait être moi. Qui font ça, c'est souvent pour le loisir. Pas forcément. C'est là que je dis, c'est ça. Moi, j'aime bien comprendre les gens, comprendre la pensée ici. Enfin, voilà. Et c'est pas forcément. Il y a plein d'a priori là. Je trouve que, voilà, vous pouvez avoir une vie de famille. Attends, après, je veux dire, je peux avoir moi des enfants, avoir envie de vivre dans ma roulotte ou en tipi ou en yourte, avoir un salaire parce que voilà, j'ai décidé d'être salarié pendant 3 ans. Puis après, peut-être, j'aurai envie de bouger. Et dans ma tête, c'est pas pour ça que je suis. Comment vous avez dit le terme? Enfin, c'est pas mot privilégié que vous avez dit, mais... Non, j'ai des classes moyennes. Oui, mais non, mais enfin, voilà, c'est pas forcément... Vous pouvez être vraiment dans la société à travailler, à aller faire vos courses, à être avec vos enfants, et de vouloir vivre autrement, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans à comprendre. Ah, mais j'ai pas dit que c'était compliqué à comprendre. Vous disiez que mon exemple, vous le compreniez pas. Je suis occupé à vous l'expliquer. Oui. Parce que je connais peu d'exemples concrets hein, de sites qui seraient organisés en yourte et en tipi, de gens qui seraient dans les classes moyennes. Peut-être ça existe, mais moi j'en connais pas. C'est-à-dire, tous les gens que j'ai croisés ou que j'ai pu voir qui habitaient de manière permanente sur ce genre de site étaient des gens qui étaient dans des situations plus précaires. Voilà. Donc par contre, je veux bien croire que ça existe. Et je dis pas que ça existe, je dis que c'est justement compliqué d'avoir des endroits comme ça où on peut vivre. Vous n'avez pas forcément envie de vivre dans une maison et vous avez envie de vivre avec vos mouflets dans votre cabane que votre copain il a construit. Il y a peut-être un autre copain qui voudrait installer son. Ouais. Je veux dire, c'est pas évident cette manière de vivre tout simplement, quoi, voyez. Non, mais ça, je suis. Non, mais. En fait, je pense qu'on a juste un petit problème de nuance. Parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on observe en général, c'est que ça sera quand même plus facile de négocier ce type d'habitat si vous êtes dans des classes moyennes que si vous êtes dans les travailleurs, si vous faites partie des classes précaires. Alors, vous pouvez en douter, mais... Non, j'essaye de comprendre mon air, là. J'essaye de suivre votre raisonnement, quoi. Ben, c'est pas un raisonnement... spéculatif, hein, c'est une observation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a observé. Bon, par exemple, pour prendre un exemple concret, c'est développé en Hollande, en Angleterre, et puis ici aussi, il y en a un exemple, des cités en conteneurs. Vous savez, de l'habitat en conteneurs. Donc à Londres, la première, ça a été Container City à Londres. Expliquer en 2-3 mots, c'est quoi? Container City, c'est des gens qui ont construit un groupe d'habitations fabriquées en conteneurs. Et voilà. Et donc à Container City habitent des artistes et des gens qui font des start-up internet. En Hollande, notamment à Rotterdam et à Amsterdam, des grandes cités universitaires en conteneurs ont été créées. Et puis il y en a une petite au Havre qui a été faite à l'imitation de ce qui s'était fait ailleurs. Bon, bah, là, ça a pu se faire. Hein, c'est-à-dire que c'est des populations étudiantes, c'est des artistes ou ce sont des start-upers. À Londres, ils n'ont pas eu de grandes difficultés. Si maintenant, l'habitat en conteneur, il n'a pas été inventé par des architectes designers, hein, dès que le conteneur maritime est arrivé, il y a des gens en Afrique ou ailleurs, et même en Europe, qui ont transformé des conteneurs maritimes en habitation. Mais c'était en général des gens... pauvres et qui étaient obligés soit de le camoufler ou qui avaient de grandes difficultés parce qu'on craignait toujours une prolifération de ce type d'habitat. Donc, peut-être... Mais là, ça reste nomade, quelque part, les étudiants ou les artistes, eh ben, ils viennent faire leur... C'est pas un habitat dans lequel vous allez... Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme un hangar, enfin, c'est un truc groupé, c'est un truc de passage. Quoi. Oui, ce sont des habitats de passage. Bah, tous ces types d'habitats sont des habitats de passage. Ouais. Bah, ça n'empêche que c'est plus facile de négocier, de trouver des subventions, etc., quand il s'agit de ce type de population, que quand il s'agit de populations plus précaires et qui s'auto-organisent. Voilà. Parce que l'attitude des pouvoirs publics, c'est pas, elle se module en fonction des données techniques de l'habitat, mais aussi en fonction de qui y habite. Et c'est pas la même chose. Je suis désolé peut-être je vous apparais comme sommairement classiste, mais même si j'essaie de pas l'être, et je suis d'accord avec vous que ça peut être très flou. N'empêche que par exemple sur la cabanisation. Hein, sur le fait que des gens habitent en cabane dans des sites qui n'étaient pas forcément prévus au départ pour de l'habitat, hein, c'est-à-dire sur des choses qui n'étaient pas prévues dans les plans d'urbanisme. Eh bien, que vous soyez pauvre ou riche, on ne vous traitera pas de la même manière, hein, si vous avez fait ça. Il y a des endroits où il y a eu des cabanisations de fait. Hein, ou des installations permanentes au bord de cours d'eau par des gens qui sont plus intégrés, eh ben, ça s'arrange beaucoup plus facilement que quand c'est des personnes pauvres. C'est simplement ça me semble évident, évidemment. Ah bah. Si vous êtes là et que quelqu'un s'amène et vous dit « Oh là là, vous serez mieux vous défendre si vous avez votre compte en banque et tout le réseau qui va avec, évidemment. » Mais maintenant, c'est bien pour ça qu'on est obligé de créer des réseaux comme Alem pour aider ceux qui n'ont pas le compte en banque et tout le réseau qui va avec à se défendre face à ce type de situation. C'est simplement ça. Après, je suis d'accord avec vous que il y a des tas de zones floues, d'ombre, que c'est pas aussi il s'agit pas d'arriver avec une lecture classiste du phénomène. Parce que là, on changera jamais les choses. Si on regarde les choses noir-blanc, elles resteront toujours noir-blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut pas oublier qu'elles restent aussi noires-blanches. Non, elles sont nuancées. Des fois, on peut être étonné. On croyait que c'était noir et puis c'est blanc. Et puis, mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a du gris qu'il n'y a pas de noir et de blanc. Ah bah, le gris se fait avec le noir et le blanc. Voilà. C'est ça que je veux dire aussi, quoi. C'est à l'inverse. Hein. Faut pas. Je suis d'accord pour atténuer au maximum une vision trop structuraliste ou trop classiste des choses. Mais en même temps, il y a aussi des choses qui restent permanentes. Et donc, il y a des besoins de collectif pour se défendre. Ah mais ça, je dis pas le contraire, moi. Hein. Je dis juste que si on veut vraiment... Si on se dit que les choses bougeront jamais, ben alors, vous voyez, c'est ça aussi. Il faut essayer de regarder les choses pour un peu rassembler aussi. Il ne faut pas toujours diviser, quoi. Parce qu'en fait, l'État aussi, ça l'arrange bien. Hein, que les gens, entre eux, se bagarrent pour dire « Oui, mais moi, je suis riche. Oui, mais toi, t'es pauvre. T'as un sale... » Enfin, voilà. Je trouve que des fois, c'est plus intéressant de créer des connexions. Voilà. Mais en parallèle, je pense aux cabanes super branchées qui ont été mises à l'honneur. Là. Vous voyez de quoi je parle, ces espèces d'art de cabane, mais ce n'est même plus une cabane, c'est carrément une tour d'ivoire dans les arbres. Vous voyez de quoi je parle? Oui, très bien. Non, mais je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'il faut essayer de constituer justement un réseau qui permet de mettre en contact et d'enrichir par des expériences diverses des gens qui peuvent venir de milieux différents. C'est ça qu'on essaie de faire, mais c'est pas facile. Là c'est vraiment pas facile. Y compris d'ailleurs même dans les milieux plus précaires. Je veux dire, entre faire discuter par exemple quelqu'un qui habite en caravane tout le temps et qui peut même être complètement SDF, mais qui travaille de centrale nucléaire en centrale nucléaire, ce qu'on appelle les nomades du nucléaire, et un écologiste radical qui vit dans une yourte, même s'ils ont des tas de problèmes similaires au début, ça ne va pas être simple. Hein. Et pour le moment, il faut être clair, on n'y arrive pas. Mais même si, en fait, ils ont des problèmes qui sont des problèmes similaires. Ils sont quand même dans des cultures très différentes. Quoi. Oui, peut-être à grande échelle, on n'y arrive pas, mais sûrement dans des petites bulles et des petites sphères, les gens arrivent quand même des fois à communiquer entre eux, parce que sinon, ce serait trop... C'est ça qu'on essaie de construire. Mais pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Et on est parti un peu dans les... C'est ça qui va être marrant, c'est que... Mais je trouve que ça suit quand même bien son cours, d'essayer d'un peu comprendre c'est quoi ce nomadisme, cette mobilité. Mais voilà, ici, moi je rappelle un peu votre bouquin. Oui, si vous voulez. Hein ? Enclave nomade, habitat et travail mobile. Arnaud le Marchand, c'est vous ? Ouais. Oui, c'est moi. J'en ai peur, ouais. Et conclusion de tout ça, qu'est-ce que vous aimeriez Je peux même vous laisser un petit peu de temps. Ah bah, la conclusion de tout ça, c'est que je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir dénoncer et d'éviter des discriminations par le mode d'habitat. Hein, c'est-à-dire que, parce que concrètement, hein, quand on est en habitat mobile, il y a des tas d'embêtements administratifs qu'on a, et vite même, on peut être perçu comme étant en dehors de la société, alors qu'on ne l'est pas, parce que ces gens, la plupart du temps, travaillent, hein, participent d'un tas de choses. Et ça, je pense que c'est un point important, parce que si on continue, si on en gros, il y a une bifurcation. Soit on trouve une façon de réintégrer ces pratiques nomades dans la société, c'est-à-dire que les institutions s'adaptent, hein, aussi, reconnaissent un certain nombre de droits, la légitimité de certaines pratiques, y compris d'ailleurs concrètement, par exemple, le fait que quand vous êtes en habitat mobile, il y a un certain nombre d'aides sociales que vous ne pouvez pas toucher, hein, parce que vous n'avez pas une adresse fixe, ils le votent, hein, c'est très compliqué, hein, vous savez que si vous habitez en camping, a priori, vous n'avez pas le droit de vote comme ça, hein, puisque le vote est une pratique territorialisée, c'est lié à une adresse, hein, fixe. Mais quand vous habitez dans un camping, vous n'avez pas une adresse ? Ah, c'est pas considéré comme une vraie adresse. C'est pas légal. Hein. Donc, soit on reconnaît que cette pratique est une pratique qui peut être légitime, auquel les institutions doivent faire place, et on accorde des droits aux gens qui sont dans ces situations et dans ces modes de logement. Soit on va se retrouver avec, effectivement, du coup, une part d'exclus, hein, de plus en plus importante. Et c'est ça qu'il faut empêcher, qu'il faut essayer d'empêcher. Donc c'est important pour l'avenir de nos sociétés. Parce que sinon, ben, je sais que notamment en Belgique, hein, il y a beaucoup de gens qui se sont préoccupés de ça pour les gens qui habitent dans les campings. Ouais. À un moment donné, va bien falloir reconnaître le phénomène, et que les gens qui sont dans ce phénomène, c'est pas quelque chose de résiduel qui va disparaître comme ça, donc on s'en préoccupe pas, y compris s'ils n'ont pas de droit. Parce que sinon, on va se retrouver avec des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui vont se désintégrer. Hein. Donc, réintégrer nos sociétés, c'est pas remettre tout le monde, s'imaginer qu'on va revenir comme il y a 30 ans et qu'on va remettre tout le monde dans des HLM. C'est repenser nos systèmes de droits et de citoyenneté.